fermer les yeux fermés, étrangère et rebelle. Sans espoir et sans larmes, sans regret ni remords, le diable les emporte. J'étais si bien caché qu'à l'ombre de ma peine, j'avais posé les armes, enfoui tous les jeux d'aime. Le diable les emporte. J'avais fermé la porte et tiré les volets, pourvu qu'on me croirait mort, qu'on me fiche la paix, que le diable me porte. Comment êtes-vous entré? Je n'ai rien entendu. Ce douloureux frisson, cette main à la mienne. Est-ce toi, est-ce nous? Est-ce le jour enfin? Est-ce toi, est-ce nous? Est-ce le jour enfin?